Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 69. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 11 mars 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es KO sur le ring, tu es Kimono, tu es Mawashigiri sur le tatami, tu es Rocky Balboa, tu es direct au foie ou coup de jarnac, et tu es aussi... La mode est au Kung Fu. En effet, le Kung Fu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus moderne, et si vous ne faites pas de Kung Fu, autant vous dire que dans 2 ans, vous ne serez absolument plus dans le coup. Alors, nous allons parler du Kung Fu. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es sport de combat et tu es face à l'adversaire. Alors, vendredi prochain, le 16 mars, les différents candidats à l'élection présidentielle devront remettre au Conseil constitutionnel la fameuse liste de leurs 500 parrainages obligatoires pour avoir le droit de monter sur le ring et de participer à ce combat électoral. C'est pourquoi, pendant 53 minutes, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin de s'intéresser au kung-fu, à la boxe ou au catch, des spécialités bien sûr, dans lesquelles vont exceller les candidats retenus. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle des sports de combat. Et pour commencer, de Spartacus à Mohamed Ali, il faut retracer l'histoire des combats individuels. Ensuite, durant quelques minutes, nous nous plongerons au cœur de cet univers viril que constituent les boxeurs. On enchaînera d'ailleurs sur une petite surprise fabriquée par la panique et qui viendra te révéler combien Dieu lui-même n'est jamais très éloigné du ring finalement. Et puis dans la foulée, nous te dévoilerons comment et pourquoi président Chirac a décidé cette semaine d'enseigner à François Bayrou la philosophie orientale du combat. Et enfin, te raconter la stupéfaction du Jean-Claude depuis que Monique suit des cours de judo 2 fois par semaine. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr monte le son et entre dans la fureur du dragon. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them. Chinese art, and everybody knew their part, from a fainting to a slip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Yeah. But they fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and little Sammy Chong. Kung Fu Fighting, c'est le combat interplanétaire qu'a livré en 1974 le samouraï disco ceinture noire Carl Douglas pour un titre en hommage au film d'arts martiaux. car le kung-fu est un art très représenté au cinéma, mais beaucoup moins en littérature. Et c'est bien dommage, parce que, comme chacun sait, Bruce Lee... Alors, ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser aux sports de combat dans leur diversité en allant du gant de cuir au coup de pied latéral et du katana au fleuret. Car un sport de combat, c'est avant tout un affrontement entre deux adversaires, un affrontement que l'on prépare depuis très longtemps d'ailleurs. Esclaves, vous voici à l'école de gladiateurs de l'Intulus Batuatus. Un gladiateur est une sorte d'étalon. Il demande 1000 petits soins. Donc vous serez huilé, baigné, rasé, massé. On vous apprendra à réfléchir. Un corps solide avec une tête vide a aussi peu de valeur que la vie. Des maîtres vous apprendront à vous battre en combat singulier jusqu'à la mort. Bien sûr, vous n'aurez pas à le faire lors de votre séjour ici, mais seulement lorsqu'on vous vendra. Et en présence de dames et d'hommes de qualité qui savent apprécier une mort glorieuse. Et puisse la fortune sourire à la plupart d'entre vous. Cependant, les combats de gladiateurs ne sont pas les ancêtres des sports de combat d'aujourd'hui. Leur finalité et leur fonction sociale, voire religieuse, les opposent au concept moderne du sport. Ce qui prime avant tout dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, c'est l'utilité de la pratique physique. Dites, c'est pas aujourd'hui votre entraînement avec le maître d'armes ? Je sais plus quel jour c'est. Ha ha, sire ! Je vous attends ! À moins que vous préfériez qu'on dise partout que le roi est une petite pédale qui pisse dans son froc à l'idée de se battre. Ouais, c'est aujourd'hui, je crois. Ce n'est pas pour aujourd'hui l'apparition du sport de combat au sens moderne du terme, mais c'est au 19e siècle. En effet, ce qui définit le mieux le sport, c'est la mise en place de règles acceptées par tous les compétiteurs, un phénomène qui se produit en Europe occidentale en pleine industrialisation où surveiller et punir touche tous les champs de la société et le ring y compris. Messieurs, avancez, je vous en prie. Serrez-vous la main. Serrez-lui la main. Prenez vos distances. Ni morsure, ni griffe, ni coup de pied. Le dernier combattant debout sera déclaré vainqueur. Allez, messieurs, le combat est ouvert. Allez! Et voilà, le combat est ouvert pour ces sports encadrés par des règles et des règlements qui en maîtrisent la violence. La pratique sportive se développe alors dans toutes les strates de la société et ces sports de combat ne sont plus réservés à une élite escrimeuse ou à de lourdeaux boxeurs. Les sports de combat s'organisent en fédérations, certains sont même reconnus aux Jeux Olympiques et l'organisation de compétitions internationales ne cesse de s'accroître et cela sur tous les continents, comme par exemple en septembre 1974. Mohamed Ali est à Paris, l'ancien champion du monde de boxe, celui, le boxeur dont on a le plus parlé sans doute depuis au moins 10 ans. Thierry Roland est à Paris, il arrive pour quelques jours seulement parce qu'il va bientôt à Kinshasa, au Congo Kinshasa. Quelques heures même, il était en transit à Orly avant son départ pour Kinshasa, la capitale du Zaïre, où le 25 septembre, il rencontrera George Foreman pour le titre mondial des poids lourds, un nouveau match du siècle. Et quoi qu'il arrive, le 25 septembre à Kinshasa, Mohamed Ali Cassius Clay aura livré son dernier combat. Par un sali plus fort que lui, je n'en connais pas, qui vous porte d'un bout d'appui à bout de bras. La terreur des ennemis, c'est Brassali. Ainsi, en 1974, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, Mohamed Ali a mis au tapis George Foreman et du coup, il est devenu champion du monde pour la deuxième fois, un titre que Mohamed Ali remporta une troisième fois en 1978, c'est mythique. Car une autre caractéristique des sports de combat, c'est qu'ils créent de véritables légendes qui parfois, elles aussi, perdent leur combat. Hélas, hélas, trois fois hélas, il n'y a maintenant plus de doute et aussi malheureusement plus d'espoir. Marcel Cerdan est bien mort. Une dernière dépêche de l'United Press, datée de Ponta Delgada, à 7h35, il y a seulement 10 minutes, nous apprend en effet que les corps de Marcel Cerdan et de la violoniste Ginette Neveu ont été identifiés. Il a fallu plus d'une demi-journée d'efforts à la première équipe de sauveteurs hier pour atteindre l'épave du Constellation d'Air France qui gisait au pied d'un précipice sur les pentes du Mont Redondo. Et dans le monde entier, la nouvelle de la disparition brutale, tragique, du plus grand, du plus prestigieux ambassadeur que le sport français ait connu, a provoqué une émotion considérable. Et en effet, au XXe siècle, l'émotion est immense dans des sociétés où le sport et les loisirs occupent une place considérable. D'ailleurs, l'une des caractéristiques de l'évolution des sports de combat au XXe siècle, c'est le succès grandissant en Occident des arts martiaux. On est les as des arts martiaux, un maître nous les a transmis. On a commencé tout petit cette philosophie de la vie. On est les as des arts martiaux, peuvent nous rejoindre ceux qui veulent. Au karaté, à l'aïkido, on se fout toujours sur la gueule. Et c'est vrai qu'on se fout pas mal sur la gueule, sur les tatamis. Le judo japonais, le taekwondo coréen ou la boxe thaï deviennent populaires partout dans le monde, accentuant au passage la confusion entre les arts martiaux et les sports de combat. Des sports qui s'ouvrent à tous, à tout âge, aux garçons bien sûr, mais aussi aux petites filles, dis donc. Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des... Des... Clip, crack, des... Bang, des... Bang, et des... Zip, shabam. Les swings et les uppercuts, ça fait, Vlam, ça fait, splash, et ça fait, ch'tan, ou bien, bon, ou on, parfois même, tchabam, pow, blow, wheel. Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des, oui, des, clip, crack, des, bang, des, blow, et des, zip, tchabam, pow, blow. Viens avec moi par-dessus les buildings, ça fait win, quand on s'envole et puis cling, après quoi je fais tilt, et ça fait boing, shabam, pow, blow, win. Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des whip, des clip, crack, des bang, des blop, et des zip, shabam, pow, blop, win. N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi, je suis là, crash, pour te protéger, shot, ferme les yeux, crack, embrasse-moi, smack, shabam, pow, blop, win, shabam. Comic Strip, c'est la bande dessinée sonore que proposait Serge Gainsbourg en 1967, quelques mois seulement avant que n'apparaisse en BD justement dans Pif Gadget le célèbre Docteur Justice, le Toubib judoka. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire des combats individuels, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser quelques minutes à cet univers réputé viril qu'incarne soi-disant le monde de la boxe. Oui, mon ami, c'est quoi la vie d'un boxeur ? Avant tout, il faut savoir que c'est au XVIIIe siècle, en Angleterre, qu'est apparue la boxe. Les matchs, organisés par des bookmakers, ressemblaient alors à une véritable boucherie, puisqu'à l'époque, il n'y avait pour ainsi dire aucune règle et surtout, on cognait à main nue, bref, un authentique pugilat. Seulement voilà, à force de se bastonner comme des brutes, il arrivait fréquemment que certains boxeurs claquent carrément sur le ring. C'est ainsi qu'au XIXe siècle, on a codifié les règles de la boxe en imposant notamment le port obligatoire des gants. Ce qui n'a pas empêché les coachs, bien sûr, d'élaborer de nouvelles techniques de combat pour faire triompher leurs champions. Si tu veux mettre KO ton challenger, ben un KO, ça se fait à la pointe du menton, tu vois, là. Si tu tapes sur la joue, là, ici, eh ben tu fais rien du tout. D'ailleurs, on va faire un exemple. Tiens, tape-moi là, sur la joue. Mais je vais vous faire du mal. Je te dis, vas-y, quoi, je connais mon métier. Tape, tu peux y aller. Moi, j'encaisse, moi. Tape sur la joue, là. Vas-y, mon petit. Oh oh. Flanquer KO son challenger demeure toujours la noblesse du boxeur. Cela dit, pour triompher, il n'est pas systématiquement nécessaire de cogner violemment sur son adversaire. Il existe bien d'autres techniques plus subtiles, comme celle mise au point à Marseille par les frères Acariès. Nous possédons à Marseille un boxeur comme il n'y en a pas. C'est la merveille des merveilles. Il est plus fort qu'un fort à bras. Il est terrible, presque invincible. Il prend pour ça avant chaque combat. Sou, sou, sou, un peu d'aïoli. Sou, sou, sou, Baptiste Invasi. Peu cher, il n'a qu'à ouvrir la bouche. Et l'adversaire tombe comme une mouche. Deux boxeurs lui ont résisté. Le premier avait le nez bouché. Le second avait bouffé plus d'âne que lui. Zou, zou, zou, un peu d'aïoli. Certes, un peu d'aïoli, très bien. Mais un excellent boxeur doit avoir avant tout une alimentation en béton et il doit donc s'empiffrer de barbac cru pour étoffer sa masse musculaire, pépère. Manger de la viande rouge, c'est donc primordial pour un boxeur. France Inter. Pitoyable, nul, le match de boxe du siècle, du moins pour la recette. La revanche de Mike Tyson sur Evander Holyfield à Las Vegas cette nuit s'est soldée par un sombre pugilat. Les amateurs apprécieront. Récit sur place de Philippe Reltien. La carrière de Mike Tyson, pour ceux qui aiment la boxe, s'est arrêtée au troisième round du match revanche pour le titre mondial à Las Vegas contre Evander Holyfield. Tyson, furieux d'avoir été touché à l'arcade par un coup de tête involontaire au premier round, a craché son dentier et a arraché avec ses dents un bout de l'oreille droite de son adversaire. Holyfield s'est mis à sauter de douleur, l'arbitre a compté 2 points de pénalité et le match a quand même repris. Tyson a alors mordu l'autre oreille de Holyfield dans l'intention de lui faire baisser sa garde. Le match s'est arrêté par la disqualification de Tyson qu'il a fallu maîtriser pour éviter qu'il agresse celui qu'il venait de blesser volontairement. Washington, Philippe Reltien, France Inter. Eh oui, ce soir-là sur le ring, Mike Tyson s'est métamorphosé en toréador en arrachant les deux oreilles de son adversaire. Heureusement pour celui-ci d'ailleurs qu'on a stoppé la corrida à temps. Hein ? Mais bon, que veux-tu ? C'est aussi parfois le destin d'un boxeur de se faire massacrer sur le ring. Le combat a duré combien de temps exactement ? 2 minutes 9 secondes. Que pensez-vous de votre adversaire ? Un type très antipathique. Tout de suite il m'a déplu d'ailleurs. Je l'ai dit à M. Ramirez. M. Ramirez c'est mon manager, je lui dois tout. Hier soir ça a été tellement vite, j'ai pas bien réalisé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, c'est lui qui a commencé. Un garçon plein de poils partout, d'abord. Un genre épouvantable. C'est vrai, on se rase. Il m'écœurait, c'est ça. Il s'est jeté sur moi, vous auriez cru, je sais pas, que j'avais dit du mal de lui, je le connaissais même pas. Cela dit, sais-tu combien la défaite est cruelle pour un boxeur ? Après être devenu un cador de la corde à sauter, après s'être ruiné les poings en frappant comme un abruti sur un gros sac de sable, après avoir renoncé pendant des mois à s'empiffrer de donuts, eh bien, quand l'heure du combat a sonné, imagine-toi que le boxeur n'envisage jamais rien d'autre que la victoire sur l'adversaire. Du coup, quand il se ramasse, forcément, il est inconsolable. J'ai plus envie d'entraîner, j'ai plus envie de suivre une diététique comme je fais à chaque fois, j'ai plus envie de suivre une mentalisation comme je fais à chaque fois. Plus mener cette vie de moine stressante que je menais à chaque fois pour que ça paye pas au bout. Je suis moralement très touché, j'en ai marre. J'en ai marre de la boxe. Là pour l'instant, j'en suis vraiment assez déprimé. Moi pour l'instant, je raccroche les gants. Alors, si la boxe devient comme ça, c'est pas du tout mon style. Je suis petit rablé, je suis pas un Noun ou un Léonard. Je crois pas que je peux continuer dans ce métier de cette façon, non, c'est pas possible. Mais alors, quelle solution s'offre au boxeur pour éviter une fin de carrière désastreuse ? Peut-être s'en remettre à Dieu. Pour t'en convaincre, la panique t'a concocté un petit patchwork sonore qui va te révéler que Dieu lui-même n'est jamais très loin du ring. On commence par une bande-annonce, on enchaîne sur un flash info, et on termine par le combat de l'ange, un poème de Jacques Prévert. Le tout, c'est 2 minutes 04, on découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Après vrai Rocky IV. Le nouveau Stallone. Jésus II, le retour. Je suis peut-être né dans une étable, mais un jour on me construira des édifices que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer. Et quel est ton nom ? Christ. Jésus-Christ. Jésus II, le retour. Mais dis-moi, Jésus, si on te frappe sur une joue, que fais-tu ? Je tends l'autre joue, bien sûr. Oh. J'en profite pour lui foutre un coup de boule dans les valseuses. Ah. 50% homme, 50% Dieu, 100% sauveur. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. À Campigny, dans le département de l'Eure, monsieur le curé part en guerre. Il est indigné, jugé plus tôt, à l'occasion de la fête patronale dédiée à la Vierge Marie, le comité des fêtes organise un match de catch féminin, seins nus et dans la boue. Le curé de Pont-Audemer, responsable de la paroisse, ne tient pas du tout à ce que ses ouailles assistent à ce spectacle gratuit et décadent. À chaque fois qu'il croise l'une d'elles, il la met en garde contre cette débauche qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une fête familiale. Le jour venu, à l'issue de la messe, c'est-à-dire aujourd'hui, il doit prendre la parole sur le sujet. Elisabeth Martichou a joint monsieur le curé au téléphone. Oh là là, oh ma mère, aïe aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, oh là là là là. N'y va pas, tout est combiné d'avance, le match est truqué. Et quand il apparaîtra sur le ring environné d'éclairs de magnésium, ils entonneront à tue-tête le tédéum. Et avant même que tu sois levé de ta chaise, ils te sonneront les cloches à toute volée. Ils te jetteront à la figure l'éponge sacrée et tu n'auras même pas le temps de lui voler dans les plumes. Ils se jetteront sur toi. Et il te frappera au-dessous de la ceinture et tu t'écrouleras, les bras stupidement en croix dans la sûre. Et jamais plus tu pourras faire l'amour. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come. Rehab, c'est le nouveau titre d'Amy Winehouse sur son dernier album intitulé Back to Black, autrement dit Retour au Noir. Parce que Retour au Noir, c'est ce qu'a dû se dire l'Ukrainien Andreas Kotelnik qui n'a pas réussi hier soir à battre le Français Souleymane Mbaye qui lui a donc conservé sa ceinture WBA des super légers de boxe. Alors que pour Brahim Asloum, là, ça a été Retour au Noir. Alors, pour poursuivre notre exploration de l'univers des sports de combat, la panique en direct du Mangin Palace va maintenant te révéler à 11h31 à quel point les arts martiaux occupent une place importante dans le palais présidentiel de l'Élysée. En effet, ce n'est un secret pour personne, président Chirac, il aime le sport. J'aime le sport en général, et parmi les sports que j'apprécie, il y a effectivement le sumo. Sauf que, voilà... Aujourd'hui, tout le monde ne partage pas la passion de président Chirac pour les arts martiaux. La scène s'est déroulée le vendredi soir à Hong Kong, autour de la table d'honneur du China Club, tout à la fin du voyage ministériel. Tout le monde semblait fatigué et Nicolas Sarkozy, très en forme, lui, s'est quelque peu lâché, comme l'ont confirmé cet après-midi certains des journalistes qui étaient à sa table. Le sumo, des combats de type obèse au chignon gominé, ce n'est pas un sport d'intellectuel, aurait-il lancé hilar. Tokyo, une capitale étouffante. Quant à Kyoto, je ne comprends pas quel émerveillement cette ville peut susciter. Même les célèbres jardins impériaux, je les ai trouvés sinistres. Ainsi, l'impérial ministre de l'Intérieur a trouvé l'intérieur des jardins impériaux sinistre. Ses coups bas sur les arts martiaux, président Chirac, il ne les a jamais digérés. Alors maintenant, président Chirac, il est prêt à tout pour mettre Sarko KO. Mais a priori, comme il ne va pas s'engager dans un ultime combat présidentiel, président Chirac, il s'est confié à Dominique de Villepin. Quand je serai KO, descendu des plateaux de Fono, poussé en bas par des plus beaux, des plus forts que moi. Est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort ? Ainsi, à l'Élysée, on prépare donc l'après-Chirac. Un futur où Nicolas Sarkozy est ostensiblement absent, et cela quitte à réinvestir de vieux stratagèmes électoraux comme en 1981, quand les Chiraciens avaient appelé en loose day à voter Mitterrand contre Giscard. À l'époque, Giscard, cet uppercut de Chirac, il l'avait pris... Dans la gueule, oui, dans la gueule. Dans la gueule, oh, dans la gueule. Dans la gueule, oui, dans la gueule. Dans la gueule, oh, dans la gueule. Alors, pour contrer le Ronin Sarko, président Chirac, il n'en voit qu'un. C'est le redoutable samouraï François Bayrou, qu'il a d'ailleurs convoqué mardi dernier à l'Élysée. Un peu intrigué, Bayrou s'est présenté dans le plus grand secret rue du Faubourg Saint-Honoré. Président Chirac a tout de suite demandé à Bayrou s'il savait se battre, ce à quoi le politico-cultivateur palois lui a répondu que... Mon combat a commencé quand j'étais haut comme trois pommes. J'arrêtais pas de faire des conneries, ça mettait ma run en run. Le soir elle rentrait, constater les dégâts. J'avais beau faire l'innocent, mais je savais que j'allais y avoir droit. Toute ceinture, coup de talon et casserole de toutes sortes. Je ne pouvais que me protéger et encaisser ces enchaînements de chocs. À l'école primaire, je passais mon temps à me bagarrer. Je faisais la loi jusqu'à ce que je tombe sur une vraie tarée. Cette petite grosse n'a pas supporté que je la traite de sac à patate. Elle s'est jetée sur moi et m'a mis de sacrées patates. Eh oh, ça va aller, oui. Président Chirac, c'est pas un pignouf. Et il sait reconnaître les mensonges. Chirac, il est même spécialiste pour ça. Alors, il demande à François Bayrou de lui dire la vérité. Se sent-il capable, oui ou non, de mettre KO Nicolas Sarkozy ? Bayrou avoue finalement qu'en réalité... Dans la cour de l'école, on m'appelait peau de colle. Dans la cour du bahut, on m'appelait la glu. On m'appelait la sangsue, on m'appelait le morpion. Enfin bref, on me donnait de jolis petits noms. Pour se faire un blason, fallait se battre dans la rue sous les acclamations. Mais en tant qu'avorton, vu mes dispositions pour la boxe à main nue, me suis fait cracher dessus et appeler Tartempion. Bon, président Chirac et Dominique de Villepin se disent que le combat n'est pas gagné et que s'ils veulent que Bayrou l'emporte contre Sarko, il va falloir l'entraîner, le petit scarabée. C'est donc Dominique de Villepin qui, le premier, donne des conseils à François Bayrou. Ah, les arts martiaux. Vous savez, la force n'est pas une question de taille. Non, non, non, non. Ce qui fait la puissance du bridé, c'est son extraordinaire force de concentration. L'énergie qu'il puise à catalyser ses émotions. Ah oui. À l'aide de ce simple bambou, il équilibre tout ses conflits intérieurs. L'équilibre, c'est donc la clé du succès. Mais ça, François Bayrou, il le savait depuis très longtemps. Le centre, il n'y a que ça pour gagner, c'est tellement évident. D'ailleurs, depuis quelques jours, François, il sent naître en lui des velléités de maître Shaolin. Et tout à coup, face à président Chirac, Bayrou entonne à tue-tête son nouvel hymne de campagne. Juste au boy, tu l'attaques juste au boy, et tu frappes juste au boy, comme un samouraï. Juste au boy, plus rapide que l'éclair, que la foudre de l'enfer, quand tu pars en guerre. Face à la confiance de François Bayrou en ses talents de karatéka, président Chirac demeure dubitatif. Et pour savoir si le jeune François est réellement en mesure de contrecarrer le mini-sumo Sarko, président Chirac décide d'organiser un combat entre Bayrou et Dominique de Villepin. L'arbitre, c'est président Chirac. Vous êtes prêt pour le combat ? Oui. Allez-y. Les collaborateurs de Dominique de Villepin applaudissent à tout rompre la victoire de leur chef. François Bayrou a à peine le temps de ramasser ses dents qu'il est viré de l'Élysée. Seulement voilà, pour président Chirac, le problème n'est pas réglé. Qui va donc pouvoir battre Nicolas Sarkozy ? Chirac saute alors le pas et téléphone à Ségolène Royal. Telle Uma Thurman dans Kill Bill, se dit président Chirac, elle va peut-être pouvoir vaincre Sarko. Mais Ségolène répond à président Chirac qu'elle ne conçoit pas la politique comme un sport de combat et que... Fallait rester zen, soyons zen. Du sang froid dans les veines, soyons zen. Plus le choc à la chaîne, zen, restons zen. Du calme à la vie comme à la scène. Sans amour, sans haine. Mais voilà... Ce que président Chirac ne sait pas, c'est qu'hier matin, quand elle a visité le salon de l'agriculture, Ségolène Royal s'est rendue sur le stand d'un exposant japonais qui, avec la Syrie et la Russie, était présent pour la première fois porte de Versailles. Et là, devant l'attirail du vieux japonais, Ségolène s'est émerveillée face à sa collection de sabres. Cette collection, je ne la conserve que pour sa valeur esthétique et affective. Alors donnez-moi un. Ils ne sont pas à vendre. Je n'ai pas dit vendez-moi. J'ai dit donnez-moi. Pourquoi avez-vous besoin d'un sabre japonais ? J'ai de la vermine à exterminer. Et voilà. Depuis sa visite au salon de l'agriculture, Ségolène est armée. Mais sait-elle manier le sabre ? Alors, pour l'ouverture de la campagne officielle, le combat va pouvoir commencer entre sabre de samouraï et sabre de corsaire. Reste à deviner maintenant qui va gagner un voyage ou alors un naufrage. J'ai pensé le voyage d'un corsaire qui pour moi ferait naufrage en pleine nuit. De ses mains coule son bateau, ses cheveux longs ondulés comme ses vagues qu'il a pour moi quitté. Ses tatouages de marin me racontent que sous les étoiles les aigles s'amusent à imiter les hommes et les femmes. Le marin, c'est ce que chante la jeune Babette. Parce que quand t'en as marre, hein, de passer pour un gringalet, eh ben, tu apprends le karaté. C'est vraiment Babette du tout, ça. Alors maintenant, pour prolonger nos arabesques solaires dans les jardins du dragon céleste, il est grand temps désormais, à 11h41, de retrouver nos deux vaillants samouraïs, les intrépides Monique et Jean-Claude. Pour commencer, il faut tout de même préciser que notre ami Jean-Claude pratique le karaté depuis son adolescence. Par ailleurs, il a transmis cette passion à son fils Rémi qui, lui aussi, taquine le tatami. Enfin, agacé par le machisme qui règne à la Casbah, il faut savoir que de son côté, Monique, elle, suit des cours de judo, mais depuis 3 mois seulement. C'est ainsi que samedi dernier, vers 14h, Rémi, le fils de Monique donc, se pointe dans la cuisine et il interpelle sa mère. Hé hey, maman, j'ai une compétition de karaté dans une heure, mon kimono est prêt ? Mon kimono Elle est sale. Mais maman, mais comment je vais faire? J'ai une compète dans une heure. Et oui, c'est comme ça, dorénavant, Monique ne supporte plus de passer pour la boniche à la maison, donc elle n'hésite plus, pour se faire respecter, à pratiquer quelques prises de judo que lui a enseigné son professeur japonais, Monsieur Fujiwara. D'ailleurs, Monique, elle aussi, doit filer à son cours de judo. Et il faut savoir que c'est également le samedi après-midi que Jean-Claude, lui, se rend à son karaté club. Vers 15h, samedi dernier donc, Jean-Claude se change dans les vestiaires du club pour enfiler son joli kimono. Et c'est là que son ami Gilbert constate que Jean-Claude n'est pas dans son assiette. Il semble soucieux. Gilbert l'interroge et Jean-Claude lui fait part de son désarroi. Ma femme fait du judo, je l'ai toujours sur le dos. Cet ange de douceur à l'âme d'un catcheur. Pour un non, pour un oui, elle m'envoie au tapis. Je ne peux plus dire un mot depuis que ma femme fait du judo. Gilbert, dit Gigi, répond à Jean-Claude qu'il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est qu'une mode. Sa femme à lui, elle fait du yoga depuis 3 semaines, franchement, c'est pas ridicule ça? Et puis Gilbert sait très bien qu'elles vont finir par abandonner, comme à chaque fois. Les femmes n'ont aucune volonté, Jean-Claude. Enfin bon, quoi qu'il en soit, chut, le cours de karaté vient de commencer. Bon, on va voir un nouveau coup de pied. Aujourd'hui, on va voir Mawashigeri, coup de pied circulaire. Jean-Claude, c'est le plus gradé, viens en face de moi. Tu fais gaffe aux côtes flottantes quand même. Bon, alors Jean-Claude est en garde, moi en fausse garde. Mawashi se fait en 3 temps. Premier temps, le genou se lève sur le côté. Deuxième temps, le genou va dans la direction de l'adversaire, le pied de base pivote. Et troisième temps, le pied va partir tout seul pour niquer la tête de l'adversaire. On est là. Oh, oh c'est laine. Oh. Jean-Claude, t'as qu'à continuer le coup. Jean-Claude n'avait pas du tout prévu de poursuivre le cours de karaté. Mais quel abruti ce prof! Enfin bon, Jean-Claude se concentre et il prend donc le relais. Jean-Claude? Alors, on a des problèmes avec la machine, visiblement. C'est une histoire de sport de combat. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Marco, exactement? On continue. Alors, je continue. Jean-Claude vient donc de prendre le relais, une attaque franche et virile, en pleine face. Il insulte Gigi, mais quel abruti, celui-là aussi. Et il décide de mettre un terme au cours de karaté puisque Jean-Claude ressent une vive douleur intercostale qui l'empêche de continuer. C'est alors que lui vient l'idée d'aller espionner Monique à son cours de judo pour découvrir les véritables raisons de cette soudaine passion japonaise. « Vers 17h30, Jean-Claude arrive donc en toute discrétion au club de judo du maître Fujiwara. Il pénètre dans la salle d'entraînement et observe attentivement les manœuvres. Alors, mesdemoiselles, rappelez-vous bien, si un homme vous aborde, pas de bavardage, pas de mots, tout de suite, la riposte. Philippe, démonstration. Bon, Hendrika, regarde bien ce que je fais, je suis toi. Voilà. Et Philippe, c'est l'homme qui veut... je ne sais pas. Alors, allons-y. Mademoiselle. T'as vu, Hendrika, à toi. Philippe, debout, allons. Et puis, c'est alors à Monique de s'avancer pour l'exercice. Et là, Jean-Claude constate immédiatement qu'elle est en train de se faire tripoter, oui. Mais quelle horreur, avec le kimono entrouvert en plus. Jean-Claude se précipite sur le tatami et, tel un samouraï, il défie le maître Fujiwara. Où tu te crois, mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on n'a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille, puis une fille, le poil s'érisse, les dents graissent, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa mère de merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité, les coudes se soudent. On pousse un kiaï de toute sa taille, prêt à mourir comme un samouraï. Le maître Fujiwara est outré par l'impolitesse de ce karatéka à deux balles, mais il accepte le combat que lui propose Jean-Claude. Ils vont régler cette affaire d'honneur entre hommes sur le tatami. Cela dit, juste avant l'affrontement, Monique tente quand même de dissuader Jean-Claude. Mais rien n'y fait. Jean-Claude veut en découdre et il veut coller une rouste au maître Fujiwara. Les deux hommes se saluent, ils se mettent en position et s'apprêtent à se bastonner. C'est parti, petite foulée, les deux hommes s'observent. Jean-Claude tente un mawashigeri mais Fujiwara l'esquive. Troublée, voire très excitée par l'héroïsme de son Jean-Claude, Monique se met alors à l'encourager. Résiste. Seulement voilà, malgré les encouragements de Monique, Jean-Claude, pour la seconde fois de la journée, vient de se faire défoncer la tête en deux temps, trois mouvements. Il est à terre, il gémit, le pif explosé. Fujiwara salue son adversaire vaincu et se retire du tatami. Monique transporte alors péniblement Jean-Claude qui ne cesse de geindre. Les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, ouais, ça fait mal. Les coups, à qui apprennent à vivre. Dans la voiture qui les ramène à la pagode, Jean-Claude, l'intrépide mais avec le nez fracassé, confesse à Monique qu'évidemment, c'est sûr, il n'est pas très doué pour les duels. Encore que, comme il dit à Monique, ça dépend desquels. Tous les deux corps à corps, chérie, perdus dans la danse où l'on va s'unir. Je sens tes doigts sur mon corps, tirer de si beaux accords que je crois presque en mourir. Tous les deux corps à corps, chérie, comme pour moi tes baisers sont des trésors. Tout mon être était perdu, ma raison semble perdue, pourtant je te dis encore. Samedi soir, Jean-Claude, vautré dans son canapé, n'a rien trouvé de mieux à faire que de revoir la fureur du dragon avec Bruce Lee. Fin de l'histoire. Cela dit, en allant se coucher, il a quand même cru bon de rappeler à Monique que certes, il a pris une dérouillée aujourd'hui, mais que dans les années 80, fallait pas trop le chercher quand même, hein. Je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Discuter la salle à nos trois corps en cul roulé autour du bras. Rayban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'il passait, caméo, midnight star. SOS, bon, délégation ou chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps.